Regardez, jusqu'à ce qu'il connaisse tous ces mots, il en connaît qu'une dizaine. N'influence pas la cour. Je parie que toi-même, tu n'en connais pas plus de 20. Je tente l'épreuve encore une fois, pour être tout à fait sûr. Tirez. Tirez ! Vous voulez que je déchire ? Je peux pas ! Par cette épreuve, la cour a établi qui est la vraie mère ! Prends ton enfant. Emmène-le loin d'ici. Je te conseille de pas rester avec lui dans cette ville. Et toi, disparais avant que je te condamne pour imposture. Les biens de la succession échoient à la ville. Elle les consacrera à l'aménagement d'un jardin pour les enfants. Ils en ont besoin. Et je prescris qu'en souvenir de moi, on l'appelle le jardin d'Adstack. Car je me dépouille de ma robe de juge. Elle commence à me brûler. Je vais pas jouer les héros pour personne. Mais d'abord, je vous invite à une petite réunion d'ensemble sur le pré, là-bas, pour les adieux. Enfin, j'ai failli oublier quelque chose dans mon ivresse. C'est que j'ai encore un divorce à prononcer. Il y a erreur. Ce n'est pas les deux vieux que vous avez divorcés, mais Groucha et son mari. Ouais, j'ai divorcé ceux qu'il ne fallait pas. J'en suis désolé, mais ça restera comme c'est. Je n'y reviens pas. Ça serait contraire au bon ordre. En dédommagement, je vous invite à ma petite fête. Une danse, vous ferez encore bien ça l'un pour l'autre. Et vous, vous me devez 40 piastres à vous deux. Ce n'est pas cher, votre grâce. Et merci beaucoup. Je vais en avoir besoin. Et nous, on ferait mieux de quitter la ville de cette nuit. Hein, Michel? Il te plaît? Affirmatif. Il me plaît. Et maintenant, je te le dis. Je l'ai pris parce que je m'étais fiancée à toi. C'est dimanche de Pâques, Hanouka. Et comme ça, c'est un enfant de l'amour. On danse, Michel? Cette soirée, Adstack disparut et jamais on ne l'a revu. Mais le peuple de Géorgie ne l'oublia pas et se souvint longtemps encore du temps où il était juge comme d'un éphémère âge d'or, presque de justice.